Bonjour Laure Tellière, vous êtes maître de conférence à l'Université de Toulouse de Le Mirail et membre du laboratoire de recherche FRAMESPA. Nous sommes réunis aujourd'hui dans le cadre du séminaire transversal de ce laboratoire dans le thème et usage et instrumentalisation de l'histoire. Pour commencer, pouvez-vous nous définir vos axes de recherche ? Mes axes de recherche sont essentiellement l'histoire des migrations et de l'immigration en France. C'est à ce titre que j'ai été recrutée d'ailleurs, c'était le fléchage du poste au moment du concours de recrutement. Et je travaille aussi dans une perspective d'histoire culturelle sur la notion de représentation collective, d'études historiques de l'opinion publique. Donc c'est au croisement de ces deux domaines que je travaille essentiellement. Pourquoi avoir privilégié ces thèmes ? Finalement, c'est très personnel dans l'histoire d'un chercheur et de ce qui nous amène à travailler sur un sujet. Je crois que c'est très personnel pour chacun, mais c'est vrai que moi, avant tout, ça a été la rencontre avec un enseignant et un chercheur sous la direction duquel j'ai eu envie de travailler. C'était Pierre Laborie, qui travaillait, lui, sur l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, comme tout le monde le sait, dans une perspective, justement, d'imaginaire social, de représentation collective. Et j'ai eu envie de travailler sur cet angle d'approche-là. Et finalement, de manière un peu circonstancielle, j'ai traité du thème de l'immigration avec cette entrée-là. Et au final, j'ai poursuivi mon travail et j'ai finalement été recrutée plus comme une historienne de l'immigration. Dans vos publications, nous notons un intérêt certain pour la région Midi-Pyrénées et notamment pour Toulouse. Pourquoi cette région et cette ville en particulier ? Au départ, il y a un travail de thèse finalement qui a porté sur les Italiens dans le sud-ouest. Et là, l'intérêt était moins sur le sud-ouest finalement que sur une vague migratoire particulière, mais qui a la caractéristique sociologique et qui finalement l'air d'implantation géographique d'être sur le sud-ouest. Et ensuite, à partir du moment où j'ai été recrutée à Toulouse aussi, ça a renforcé le fait que il y a des attentes et des demandes sociales par rapport à l'histoire de l'immigration dans la région. Donc par exemple, lors de mon postdoctorat au CNRS, j'ai eu la responsabilité d'un marché d'études lancé par l'Accès sur l'histoire et la mémoire des immigrations en Midi-Pyrénées. C'était un programme national mais qui déclinait les études région par région. Et donc très logiquement, j'ai candidaté sur le lot Midi-Pyrénées. Donc ça a renforcé en quelque sorte ce tropisme aussi d'un ancrage par la région. Mais je dois dire que ça correspond aussi à un moment où dans l'historiographie de l'histoire de l'immigration, après des problématiques qu'on a placées souvent au niveau national ou alors dans une approche très locale, avec des monographies finalement dans des périmètres assez restreints, on s'est aperçu, d'où ce programme d'ailleurs d'ampleur nationale, que ce qui n'avait pas trop été couvert, peut-être pas assez synthétisé, c'était l'échelle régionale finalement. Le thème de cette journée d'études, c'est l'historien face à ses publics. Et en quoi cette question peut être essentielle, peut être au cœur du travail des historiens ? Ça, c'est ce dont on a débattu là toute la journée. L'historien, certes, s'inscrit dans le champ académique. Il est évalué au cours de sa carrière par ses pairs, par des processus formels, académiques. Il écrit pour des revues scientifiques, un comité de lecture, etc. Bon, tout ça, c'est quelque chose connu et avec lequel chacun d'entre nous a affaire pour justifier de son travail d'historien. Mais en même temps, c'est vrai que l'histoire, on l'a fait aussi pour la transmettre au-delà du monde universitaire. Donc, à partir de là, la question des publics se pose. Mais vraiment des publics dans leur pluralité. Et du coup, ça dépend beaucoup, je crois, des pratiques que chacun met en œuvre pour rencontrer ces différents publics, pour aller les toucher. Ça peut être la rédaction d'un manuel d'enseignement pour le secondaire. Ça peut être la formation de public en formation continue. Par exemple, moi j'ai donné des formations pour des agents administratifs sur le thème de discrimination, par exemple, et comment aussi une lecture à travers l'histoire pouvait permettre de réfléchir un peu à ces questions-là. Ça peut être des participations à des projets pédagogiques menés avec les écoles, ça peut être des conférences auprès des associations, etc. Voire parfois des sollicitations plus militantes dans mon champ de recherche, par exemple. On est constamment sollicité pour le Festival de la CIMADE, la Journée nationale contre le racisme, le jour d'amitié entre les peuples, la fête de l'interculturalité, etc., etc. Donc là, à chaque fois, l'historien va aller à la rencontre de différents publics, dans des postures un peu différentes. Dans votre intervention, vous avez expliqué que vous receviez des mails de personnes qui avaient lu vos recherches. Est-ce que vous pensez que vous avez eu ces témoignages parce que l'immigration est un sujet sensible, ou est-ce que vous pensez que ce lien entre le lecteur et l'historien peut se faire sur tous les thèmes historiques ? Bah, j'espère qu'il peut se faire sur tous les thèmes, et certainement il y a des gens passionnés par tel ou tel sujet, susceptibles de contacter tel ou tel historien. Ça, j'imagine que tout historien peut témoigner de ça. Après, évidemment, je pense que le thème de l'immigration, à l'heure actuelle dans notre société, est un sujet chaud, un sujet sensible, un sujet qui va susciter certainement plus d'attentes, de questionnements, de contacts, de prises de contact de la part des gens. Ça me paraît évident. C'est d'ailleurs en partie un sujet de niche, c'est-à-dire qu'on peut avoir un effet sur certaines publications, de trouver un public de lecteurs, justement parce qu'il y a ces attentes fortes. Ce qui ne veut pas toujours dire qu'on est lu, d'ailleurs. Hein. Moi, la publication de ma thèse aux presses universitaires du Mirail, enfin, publication évidemment condensée, synthétisée de ma thèse, finalement, elle s'est assez bien vendue à l'échelle d'un livre universitaire, hein, ce qui n'est pas beaucoup pour être un petit best-seller universitaire, et c'est certainement du fait de cet effet de niche. De là à dire que tous les gens le lisent, c'est pas sûr. Ça peut être aussi le bel objet qu'on met sur la cheminée en se disant, bon, voilà, un universitaire a écrit sur la question et ça fait mémoire, c'est important, on l'achète. Et est-ce que vous pouvez peut-être penser que l'histoire, maintenant, avec les nouveaux apports de la technologie, que l'histoire doit s'articuler entre le numérique, l'imprimé, entre tout ce qui est texte ou iconographie? Dans votre livre que vous nous avez montré, il y avait l'importance de la photographie. Est-ce que vous pensez que pour attirer un public plus large, il faut peut-être mettre moins de texte et plus de photographie? Alors, je crois que l'historien ne doit pas toujours se demander comment attirer un public plus large. Parfois, c'est bien de le faire, parfois non. Parfois aussi, le travail historique a sa justification propre et ne réfléchit pas avant tout à la question du public. Mais c'est sûr qu'aujourd'hui, dans les nouvelles technologies, le multimédia, toutes ces approches, la mise en réseau, l'intercommunication beaucoup plus rapide, impactent notre pratique, notre métier finalement, et aussi la manière dont on peut transmettre notre travail auprès d'un public plus large. Ce à quoi vous faites référence, le projet Travailleurs venus d'ailleurs, là c'est pas moi qui en étais à l'origine, en fait c'est une association, une photographe à l'origine, Sarah Jabaralen, qui a eu l'idée de ce projet, qui a réussi à trouver des financements auprès de la DRAC, auprès de la région, enfin mobiliser tout un soutien. Donc voulant construire un travail sur les mémoires des travailleurs immigrés à partir d'une documentation photographique par des photographes professionnels contemporains et puis d'un travail sur le son avec les radios locales, elle est venue me solliciter pour avoir un regard d'une historien, un encadrement un peu, non pas d'une expertise, mais en tout cas d'une mise à distance de ce travail. Et donc au début j'ai répondu favorablement sans imaginer le temps, l'implication que ça allait engager pour moi, mais finalement je me suis passionnée pour ce partenariat qui a été très intéressant entre donc des photographes, des journalistes radio, des documentaristes sonores, une historienne, et qui a pu aboutir à des résultats déclinés sous différents supports, et c'est ça qui me paraît très important, à la fois une exposition qu'on a inaugurée dans le cadre de la Novella l'année dernière, qui circule maintenant à la rencontre de différents publics, dans les localités, dans les départements, etc. Et puis un livre qui permet de compléter le tout. Et quand il y a des rencontres avec le public autour de l'exposition et du livre, ça peut donner lieu soit évidemment à des conférences de ma part, mais éventuellement aussi à des ateliers de réflexion sur la photographie comme enjeu de documentation sociale, etc., avec les photographes, ou par rapport à la question de l'usage du témoignage sonore, et ça c'est très intéressant. Et aussi, comme vous le dites, le DVD, l'exposition et le livre, est-ce que ça peut permettre aussi de préserver ces témoignages, qui les rend plus vivants, mais aussi qui les figent et qui sont à la disponibilité des historiens et même du public qui peut s'identifier? Oui, incontestablement, recueillir un témoignage, c'est toujours produire une trace, donc produire un document, une source future qui pourra peut-être être revisitée autrement. Mais c'est vrai que ce travail sur le son et le témoignage, il a déjà existé par le biais d'émissions qui ont été diffusées pendant les 4 ans qu'a duré le projet sur les radios locales, sous forme de portraits en fait, de récits de vie. Et puis ensuite avec le livre, on a compiler un DVD sonore avec des extraits de témoignages autour de thématiques. Et ce DVD a été conçu dans une approche pédagogique, c'est-à-dire pour servir de support pour des débats éventuels sur ces thèmes dans des classes, dans des associations, etc. Voilà. Que d'autres s'en saisissent pour aborder ces questions-là. L'un de vos axes de recherche aussi, c'est l'histoire du fait migratoire et l'immigration. C'est quand même un sujet qui est très d'actualité, on va dire. Est-ce que vous pensez que cette popularité, entre guillemets, peut vous influencer dans vos réflexions ou vous donner des axes de recherche que vous n'auriez pas envisagés, ou au contraire, vous auto-censurez en vous disant « non, je ne vais pas l'aborder parce que ça va être polémique ». Oui, oui, c'est sûr hein, que sur, travaillant sur ces questions-là, on est constamment dans le bain du débat d'actualité, des fois des polémiques d'actualité qui peuvent être académiques jusqu'à un certain point et puis qui sont extra-académiques en fait. Et on ne reste pas étanche à ça. Éventuellement, parfois, on se positionne par rapport à ça. Hein. Il y a eu ces dernières années des positionnements à un certain moment très, très fermes, rendus publics d'un certain nombre d'historiens. Par exemple, par rapport à la Cité nationale de l'immigration, quand il y a eu création d'un ministère de l'identité nationale sous le gouvernement Sarkozy, par rapport au débat sur l'identité nationale, par exemple, qui avait été lancé, là encore, par le gouvernement Sarkozy, et où les préfectures devaient animer un débat sur le sujet. Moi, j'ai été, comme d'autres, sans doute, sollicitée pour y prendre part. Et j'ai répondu ici aux préfectures qui m'avaient sollicité que je déclinais cette invitation, considérant que le cadre de scientificité des débats n'était pas assuré. C'était d'ailleurs une réponse pour certainement des préfectures qui voulaient relever le niveau du débat, j'imagine, faisant appel aux universitaires, mais qui finalement, auxquels je me suis vu obligée de répondre par la négative. Donc peut-être une vulgarisation du discours scientifique et notamment historique peut aussi participer à une instrumentalisation, parce que vous aviez fait un article sur l'identité nationale et c'est vrai qu'il peut être repris pour lui faire dire des choses que vous n'avez pas dit. Oui, mais ça c'est vrai aussi, je crois, pour tous les historiens. L'historien propose un récit sur le passé, propose souvent une interprétation des faits, du passé, et ensuite son discours circule, est repris, éventuellement transformé. Donc on sait que sous un même vocabulaire, on peut parfois mettre des significations différentes, etc. Donc c'est évident qu'on ne maîtrise pas totalement ensuite la circulation des discours qu'on produit. Mais au contraire, est-ce que une actualité vous a donné envie de poursuivre vos axes de recherche vers un thème précis, ou au contraire, vous auto-censurez, ou est-ce que vous ouvrez vers d'autres sujets qui sont peut-être d'actualité? Est-ce qu'on s'auto-censure? J'ai pas l'impression de m'auto-censurer, mais le propre de l'auto-censure, c'est souvent ne pas en avoir conscience, donc ça règle pas tout à fait la question. Est-ce qu'on s'ouvre? Oui, incontestablement, mais on s'ouvre parfois aussi, on dérive peut-être, on peut être pris par des sujets qui sont d'actualité, qui sont dans l'air du temps, mais qui peut-être au final se révèlent pas si pertinents que ça. Hein, c'est vrai que j'ai participé ces derniers temps à des manifestations ou des activités, des ateliers, des séminaires, pour le coup, scientifiques, mais sur des thématiques qui viennent, qui remontent finalement du débat d'actualité, sur par exemple la thématique de la diversité, un mot qui est à la mode, ou des minorités visibles. Bon, alors en général, en tant que scientifique, on essaye avant tout de déconstruire ce type de vocabulaire avant même de suivre la vague. N'empêche qu'on voit bien que l'historien n'est pas enfermé, mais lui aussi peut être pris par des thématiques d'actualité. Dans le séminaire, Valérie Sotocasar raconte son expérience pendant un colloque sur la violence, dit qu'elle a été obligée de réécrire son travail. Est-ce que vous, ça vous est déjà arrivé de rencontrer des tensions ou des refus de témoignages ou même des gênes concernant vos problématiques ou vos idées directrices de vos travaux? Oui, là, Valérie Sotocasa faisait référence à des réactions qui ont eu lieu entre universitaires dans le cadre d'un colloque. Mais moi, je pense aussi à des réactions par rapport à un public plus large, dans le cadre de conférences, par exemple. Il est fréquent que ce qu'on ait à dire ne corresponde pas exactement à ce qu'anticipent les gens qui sont là, à ce qu'ils pensent que vous allez dire, ou aux attentes, ce qu'ils aimeraient bien que vous disiez. Et en général, moi, j'essaye de partir de ça, justement, d'essayer d'expliquer pourquoi il y a peut-être ces effets de décalage qui sont peut-être pas rédhibitoires. En général, les témoins apportent leur propre mémoire et je réponds parfois, pour reprendre une formule de Pierre Laboré, que les historiens doivent être des troubles mémoire. Ça ne veut pas dire qu'ils dénient le témoignage porté ou la mémoire qui est affirmée par ces témoins, mais que peut-être, voilà, ils apportent quelques touches qui vont peut-être troubler quelques certitudes ou nuancer un petit peu les représentations qui étaient à l'œuvre. C'est le cas, par exemple, sur la Seconde Guerre mondiale, quand on parle des relations entre Français et Italiens. Ça semble un sujet pas très important, mais en vérité, ça a laissé des blessures mémorielles importantes et qui se révèlent à ces moments-là. Et est-ce que vous rencontrez des gens qui vous, pas qui vous agressent, mais qui vous reprochent d'avoir étudié certains sujets ou d'avoir eu une certaine vision qui, pour eux, n'est pas la vraie ou qui ne raconte pas leur histoire Oui, parfois, enfin, sans parler d'agression, le mot est un peu fort, mais parfois se sont manifestées des tensions, effectivement. Bon, je le dis souvent, moi-même n'étant pas d'origine italienne, quelques personnes ont pu me renvoyer le fait que, n'ayant aucun vécu, aucun lien, aucun héritage particulier par rapport à cette histoire, je n'aurais pas la sensibilité ou la légitimité suffisante pour l'aborder. Bon, évidemment, c'est un faux procès, c'est un procès d'intention. Là encore, il faut peut-être pas se braquer quand ce genre de propos est tenu, mais prendre le temps d'expliquer pourquoi tout historien, dans son travail de déconstruction, reconstruction, proposition d'une grille d'interprétation par rapport à des processus sociaux pris dans l'histoire, dans la temporalité, est légitime pour parler de tout finalement, et que n'importe quel mécano intellectuel, n'importe qui peut s'en saisir et essayer de travailler dessus. Est-ce que vos prochains travaux abordent l'immigration des Italiens ou vous êtes ouvert plus sur les représentations, comme vous avez dit dans le séminaire? Ça, c'est le propre aussi des fonctionnements institutionnels, académiques. Une fois qu'on a un rail, en général, on le poursuit comme un bon sanglier là, qui fait qui creuse son truc. Donc je continue encore à travailler sur les Italiens, à avoir de la curiosité en tout cas pour ce domaine, à observer ce qui se passe, par exemple dans les associations, comment la mémoire circule. Bon. Donc on complète hein, toujours autour d'un champ de recherche initial, je crois. Mais en même temps, oui, j'ai maintenant élargi mes réflexions à l'immigration de manière plus large, au phénomène migratoire aussi de façon plus englobante. Et puis c'est vrai, je l'ai dit lors du séminaire, mais initialement je me pensais une historienne plutôt du fait culturel, des représentations collectives, et j'aimerais maintenant trouver le temps, mais c'est ça le gros problème dans notre métier, c'est avoir le temps de se remettre vraiment sur un nouveau terrain, plus directement sur ces enjeux un peu théoriques. Merci beaucoup.